Allô? Ça va y aller? Allez, Allô, allô? allez. Opérateur? Opérateur. Allô? Opérateur? Allô, allô? Il y a de la merde dans les tuyaux. Oh Et putain, non, t'as bonsoir pas tout le osé. monde! Oh putain, il a osé. Oui, j'ai osé. Oh bordel. Il y a de la merde dans les tuyaux. Bref. Ah oui, alors non, ah oui, oser dans son... Ah oui, non, mais non. C'était pas fait exprès. Non, c'était totalement à Ouais, l'insu de c'est mon plein gré. bien sûr. Bonsoir tout le monde. Comment ça farte tonight? Alors, moi, cette expression comment ça farte, elle m'a toujours un peu fait marrer. Elle m'a toujours un peu fait marrer parce que. Ça se traduit par comment ça pète ce soir, quoi. Voilà, c'est ça. Ça m'a toujours fait rire. Salut tout le monde, ça prout. Salut tout le monde, ça pète bien. Bah ouais, écoute, voilà, toi bien. Transit impeccable. Ouais, aujourd'hui, c'est la guerre fratricide. Non, il n'y a pas vraiment de guerre. Non, c'est juste que toi tu penses un truc, moi je pense autre chose, mais à part ça. Oui, mais je pense que nous allons réussir à nous joindre dans notre argumentaire. Ouais, bon, bah aujourd'hui on va parler de Watch Dogs. La plus grosse carotte moldave qu'Ubisoft ait jamais fait. Mais voilà. Voilà. N'y a pas de contre-argument à ça. Il n'y a pas de contre-argument parce que l'argument principal, moi je l'ai pas vécu. Moi je l'ai pas vécu. Ce qu'on va faire, c'est que on va parler du jeu comme on en parlerait normalement. Oui. Et à la fin, on se battra sur le pourquoi du comment du pourquoi. Du caisse. Ok, donc Watch Dogs, jeu Ubisoft. Oui. Donc déjà, ça sent plus ou moins pas bon. C'est pas que ça sent plus ou moins pas bon. Il y a une époque, on aurait dit jeu Ubisoft, oui, pourquoi pas. Et puis depuis quelques années, en fait, c'est horrible. C'est depuis la sortie des premiers Assassin's Creed. Ah, peut-être de ton côté. Pour moi, c'est depuis la sortie des premiers Assassin's Creed parce que, alors, ok, autant Assassin's Creed 1, moi j'ai pas connu vraiment sa sortie, le 2 pas vraiment non plus, mais c'est après que ça a péché avec le fait que ce soit devenu annuel. Oui. C'est devenu un truc annuel et. Ça a commencé à être moins bien. On va dire ça comme ça, mais Bah, quand on tu est. sors une licence de façon annuelle, effectivement, tu prends le risque de bâcler certains éléments, quoi. Voilà, c'est ça. Et bon, on va pas parler de Assassin's Creed 4 avec ce magnifique bug du bateau qui tombe dans une cascade et puis remonte. Je Ou pense même que des. c'est une volonté artistique. Voilà, ou même, hein, c'était pas des bugs dans Unity, hein, c'est pour ça qu'ils ont sorti un patch qui faisait la taille du jeu en day one. Mais c'était Ah pas des bugs. oui. Ah oui, non mais Le jeu c'est... était complètement fini, hein. Non, le jeu n'était pas complètement fini, c'est ça le problème, c'est pour ça qu'il y a eu un patch. Voilà, non mais c'est ça. C'est pour ça, Cette boîte a fini par me fatiguer. Autant, au départ, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Je pense que, on en parlait la semaine dernière, je vais finir sur ce que je pensais. Je pense que le jeu, les jeux que je vais faire après Prototype, ça va être les Prince of Persia. Ça, au moins, c'est une valeur sûre. Parce que ça, c'est une valeur sûre et pour moi, ça, c'était Ubisoft. Oui. Pour moi, j'ai commencé les premiers jeux Ubisoft que j'ai fait, c'était Prince of Persia, principalement le 2. Waouh quoi. J'ai kiffé, enfin non, c'était pas les premiers jeux Ubisoft que j'ai fait. Les premiers jeux Ubisoft que j'ai fait, c'était les Rayman quand j'étais gosse. Donc ça compte pas vraiment. Mais c'était pour moi la grosse claque que je me suis mangé quoi. Prince of Persia, waouh, j'étais. Oh, bordel quoi. Et après, après je dis pas, parce qu'il y a eu des très bons jeux Ubisoft qui sont sortis. Les Far Cry. Oui. Les Far Cry même, quoi qu'en disent les gens, le 4 est exceptionnel et le Primal, j'y ai pas encore joué, j'ai pas encore pu y jouer, mais il a l'air génial. Oui, difficile à... À prendre en main apparemment. Pas à prendre en main, difficile à de s'immerger. Ouais. Et après, c'est bon, une fois que t'as chopé ton rythme, tu te laisses vite prendre dans le machin, mais au début, voilà. Non, parce que voilà, il y a des très bons jeux. Là, je regarde la liste des jeux des principales franchises. Les Prince of Persia, les Far Cry, Rayman aussi, grosse franchise. Alors, Rayman, ce qui est marrant, c'est qu'il est. C'est une franchise française. Oui. Oui. Bah, de toute façon, Ubisoft est français. Y a même. Alors, le siège social de Ubisoft se trouve à Rennes. Et il se trouve que. Il y a une rumeur comme quoi Ubisoft, puisque avant ça s'appelait Ubisoft Entertainment, il y aurait une rumeur comme quoi le Ubi ce serait pour Union de la Bretagne indépendante. Oui, ça oui, c'est vrai. Et les mecs n'ont jamais dit démenti c'est publiquement. C'est vrai quoi. Donc, ouais. Moi ça me fait beaucoup rire. Mais ouais, il y a pas mal de trucs et. Et puis, sont arrivés les Assassin's Creed, il y a eu les Rainbow Six, il y a eu les... c'était eux aussi qu'on fait les... Comment ça s'appelle? Je suis en train de regarder ça, là. Les Splinter Cell. Tout ce qui était Ghost Recon... Oui, là, c'est la licence Tom Clancy. C'est ça. Il me semble même que Medal of Honor, c'est de eux. Je dis peut-être une connerie. Non, Medal of Honor, c'est EA, je crois. C'est EA. C'est parce que j'ai récupéré un Medal of Honor là sur un truc sur Origin en fait tout à l'heure et je croyais que c'était sur Uplay. Non, c'était sur. Il me semble que Medal of Honor c'est EA. Oui. Me semble. Hein. Medal of Honor c'est EA. Donc ouais, il y a longtemps quand on disait c'est un jeu Ubisoft. Parce qu'il faut pas se mentir, les premiers Rainbow Six c'était quand même très bon pour l'époque. Les Far Cry étaient très bons. Les lapins crétins. Le souci étant que avec Ubisoft, ils ont des studios un peu partout dans le monde. Et que malheureusement, ils ont plus la même communication entre studios qu'il y avait pu avoir avant. Je pense que ça joue. Parce que quand tu regardes les gros titres, c'est Ubisoft Shanghai, Ubisoft Montréal. Oui, c'est surtout Ubisoft Montréal d'ailleurs. Surtout Montréal, mais tu vois aussi pas mal de Shanghai. Et le problème étant que. Voilà, c'est-à-dire que l'Ubisoft France, c'est les Lapins Crétins et Rayman, quoi, les plus gros titres. Et tu serais choqué parce que moi je suis en train de regarder un peu le. La répartition des jeux dans le par rapport au truc comment par rapport au pays différents studios on a Montreuil en France qui a fait des épisodes de Rayman et de Ghost Recon oui. Et qui a créé Just Dance et Red Steel. Just Dance a été créé à Montreuil en France. Ouais, mais tu vois les grosses licences faites par Ubisoft Montreuil, c'est quand même des titres. Enfin, c'est. Là, c'est Just Dance, mais c'est quand même un gros jeu, si on est d'accord. Ouais, mais c'est des trucs, voilà, style Nintendo, quoi. C'est familial. Oui, mais attends. Du coup, il y a eu des participations dans d'autres gros titres, mais le souci étant maintenant que. C'est parce qu'avant c'était vraiment Ubisoft France qui centralisait tout au niveau des studios. Le problème étant que maintenant il y a plus, enfin c'est plus centralisé Ubisoft France, c'est Ubisoft Montréal qui centralise. Oui, bah, de toute façon, Montréal, on voit bien, hein, Et Montréal, créateur des depuis qu'ils ont franchises. centralisé, comment dire, la communication entre les studios, elle est devenue super mauvaise. Et c'est pour ça que ça cafouille au niveau des titres qui sortent, parce que il y a un tel qui va faire ça, un tel qui va faire ça, mais chacun de son côté. Et généralement, tout est regroupé avant tout ce qui va être E3 et gros événements jeux vidéo ludiques. Et sauf que c'est là qu'ils se rendent compte que ça va pas, en fait. Parce qu'à ce moment-là, en fait, ils réunissent les trucs de chacun, et là, ils se rendent compte que ça va pas. Et c'est ce qui a porté fortement préjudice à Watch Dogs et à Unity et à tout, voilà quoi. Et là, ils se Oui, sont, il y a beaucoup qui se jouent là-dessus, hein. ils se sont ressaisis, mais ce qu'on veut dire, malheureusement, là, ça va être compliqué, puisqu'ils se sont ils se sont royalement plantés sur un titre, et ils ont royalement foiré leur com sur un autre. Oui, c'est surtout Et ça, ils ont foiré leur com sur l'autre. Voilà, Watch Dogs, lui, a subi enfin, ça a été la com qui a été vraiment enfin, naze. La com a vraiment été à chier. La production, par contre, pour Unity, c'est ça qui a pêché. Et là, ils sont en train de se ressaisir, se dire, ah merde, peut-être qu'on devrait revenir comme on faisait avant. Le souci, c'est que deux jeux, ça a suffi pour refroidir la communauté, quoi. Ah, complètement, hein. Maintenant, Complètement. Ubisoft, c'est enfin, quand t'entends parler d'Ubisoft, tu souris gentiment, tu te dis bon, ouais, pourquoi Oui, pas. voilà, c'est ça. Mais tu vois qu'ils ont compris, on va dire, leurs erreurs, parce que par exemple pour The Division, c'est Ubisoft, ils ont déjà annoncé une date. Je crois qu'il y a eu un report de The Division, un petit report, Il y pas a eu un grand-chose. petit report, ouais. Un petit report qui a été annoncé quand même, enfin, à une date convenable au niveau de l'avance, et surtout enfin, un moment avant la sortie, avant le 3 même de l'année dernière, ils ont précisé qu'il y aurait un downgrade de The Division, et que effectivement ils avaient présenté des images il y a 2-3 ans de The Division, et ils avaient fait Très tourner des belle. images. Qui était très très belle, et ils ont dit que le jeu serait beau, qu'il n'y aurait pas de soucis, que voilà, mais qu'il n'y aurait pas, que ça serait pas aussi lisse et pas aussi puissant au niveau du moteur physique qu'escompté, puisqu'ils s'étaient rendu compte au même titre que The Witcher, hein, ou que d'autres titres, que l'ambition voulue sur les éléments et la puissance console, et PC aussi, hein, pour les PC qui sont accessibles, c'était pas compatible. Et que du coup, il y aurait un downgrade, Downgrade. et une modification aussi au niveau de l'interface. Mais ils s'y sont pris de façon plus intelligente. C'est pour ça, The Division, il y a eu de très très bonnes ventes, parce que c'est passé. Les gens ont eu le temps de pester, en fait, hein, avant que ça sorte. Et donc, du coup, ça a eu le temps on va dire, de se tasser avant la sortie du jeu. Donc là, ils ont mieux géré leur com qu'avec Watch Dogs. Parce que Watch Dogs, le jeu n'est pas nul, hein, mais la com, elle a été tout simplement dégueulasse. C'est vrai qu'elle a été, elle a été ratée, la com. C'est ça, ça en a enfin C'est con, parce que ça en a presque, hein, je dis pas que ça l'a fait, mais ça en a presque tué le jeu. Puisque quand on s'est retrouvé avec le jeu en main sur la console et tout ça, la claque, elle a été immense. Bah moi j'ai pas trouvé. Alors justement, on va garder ça pour plus tard. D'accord, on va garder ça pour plus tard, on va continuer sur le jeu en lui-même, si tu veux bien. Ouais, pas de souci. Donc Ubisoft, bon jusque-là ça semblait bien tout ça. Il est sorti quand même il y a un petit moment, il a mis un moment à être complètement développé. Ah oui, Puisque le projet, il y a eu trois reports, hein, je crois, facile, hein. Bah c'est possible, moi je sais pas du tout. Il me semble qu'il y a au moins eu trois reports, trois ou quatre reports. Moi je sais pas, moi tout ce que je vois là c'est qu'il a été annoncé en deux. Enfin il a été commencé en 2009, sorti en 2014, donc il y a 2 ans, plus ou moins. Ce qui devait sortir en... Tu devais sortir fin 2012. Après Ouais, courant c'est ce qui me 2000... semble. courant 2013 et ensuite début 2014. Alors après moi ça je dis pas que c'est forcément mauvais. Mais non, c'est pas que c'est mauvais. C'est qu'à chaque fois tu allais en magasin pour récupérer, enfin pour avoir le jeu. Les vendeurs étaient là, bah, on n'a pas de nouvelles, on sait pas. Et le lendemain, Ubisoft faisait une annonce comme quoi il y aurait un report. Ouais. Et c'est ça où ils ont merdé. C'est-à-dire que, tu vois, au lieu, je sais pas, de prévoir 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance en annonçant, bah, il va y avoir un report parce que non. Et ils l'ont fait 3 fois d'affilée. C'est-à-dire que la deuxième fois, bon, ça a bien fait chier. La troisième fois, on s'est même plus déplacé en boutique parce qu'on savait qu'il ne sortirait pas. Ah bah oui, clairement. Et donc, du coup, quand ils ont annoncé une date définitive et que là, surtout, ce qui a dû nous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il n'y avait pas de spot publicitaire à la télé. Ça, c'était louche. Mais après, ouais, c'est ça. Après la troisième fois, parce qu'il est sorti courant mai-juin 2014, hein, je crois. Je regarde ça, mai. Mai 2014. Quand ils annoncent la sortie mai 2014, on a commencé à voir à la télé et sur Internet, sur YouTube et tout ça, les spots publicitaires pour Watch Dogs. Donc là, on s'est dit, bon. Moi, c'est le truc, c'est pour ça que j'ai pas été autant déçu que t'as pu l'être par Watch Dogs. C'est que moi, quand il est sorti, je suis toujours beaucoup l'actualité, que ce soit sur des sites de jeux comme JVC, parce que oui, moi je vais sur JVC, je l'avoue, je le vis bien, ou même sur des sites pas très légaux qui font de la mise en ligne pas très légale. Je me tiens un peu, tu vois, au courant quand même de l'actualité, plus maintenant qu'avant d'ailleurs. Merci YoloRecords, mais quand quand le jeu est sorti, j'en avais jamais entendu parler. Mais vraiment, j'en avais pas entendu parler, je savais c'est pas. C'est dingue, si... parce qu'il y a eu un engouement sur ce jeu-là, c'était ouf, hein. Ben oui, mais justement, moi j'ai pas été dans la hype, il y avait pas de. Tu vois. Parce qu'honnêtement, moi je suivais, enfin. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle vidéo de gameplay de machin qui sortait, je voulais voir. Moi non, tu vois, j'en avais jamais entendu parler. Je sais pas, t'as eu l'occasion de voir les premières vidéos de gameplay publiées ou pas? Ah non. Non, par mais ça m'a pas intéressé parce que ce serait comme de dire est-ce que t'as vu le premier essai qu'ils ont sorti sur je sais pas quel film qui a marché et qui est complètement différent de la fin. Et quand je te dis les premières vidéos de gameplay, je devrais préciser, est-ce que tu as vu les vidéos de gameplay? Non. Absolument parce pas, que jusqu'à la sortie du jeu, quand même, ils nous ont pondu des vidéos de gameplay. Mais. Il n'avait rien à voir. Rien. Quand le jeu est sorti, là, ils nous annonçaient ah oui, alors on vous a pas dit, mais. On a downgrade. Parce qu'en fait, quand on faisait des présentations, quand on publiait des vidéos de gameplay sur Internet, et ce, jusqu'à ce que le jeu sorte. C'était avec une version alpha qu'on faisait tourner sur des PC. Je sais même plus où est-ce qu'ils étaient partis aller chercher leur PC. C'était des bêtes de course, les machins. Bah ouais, mais c'est ça. Et moi, il y a le truc. J'ai l'impression, enfin, pour moi, les reports, ça a été très. Enfin, je préfère qu'un studio a. Je suis pas totalement d'accord avec ce qu'ils ont fait, le fait de dire le jour même ou le lendemain de la sortie, bah en fait, on reporte. Ça, je suis pas d'accord. Tu vois, ça. C'était une catastrophe. Et puis, c'était un report parce que le jeu n'est pas prêt. Mais voilà, c'est ça. C'est que, il vaut mieux. Ils ont bien fait, pour moi, de reporter le jeu. Deux ans, pour qu'il soit fini, plutôt que de faire une Assassin's Creed Unity, tu vois. Ouais, mais ça a continué à jouer en leur défaveur parce que. Derrière l'énervement, la frustration qu'on avait d'apprendre que le jeu était reporté, putain, on se raccrochait à ce qu'ils publiaient quasiment tous les mois comme visuel et tout ça, en se disant, ouais, ok, toi, quand on voyait le truc, ouais, c'est normal de reporter parce que si on veut pouvoir jouer à ça, ouais, il faut que ça soit nickel. Alors, le jeu en soi est pas moche. Honnêtement, il est pas moche. Pas du tout. Il est sympa. Bon, t'es pas au niveau d'un GTA. Clairement pas. T'es clairement pas. Là, pour l'instant, moi, il n'y a pas un jeu, mais sans déconner, il n'y a pas un jeu qui m'a fait le même effet que GTA 5 pour le moment. Même The Order, même ce que tu veux, il n'y a pas un jeu pour le moment qui m'a fait le même effet que GTA V. Bah après, GTA V en même temps, j'ai presque envie, moi, de le mettre hors compétition en tout. C'est-à-dire que il est très beau graphiquement. Et il est complet, tu vois, c'est... Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a, il y a quand même énormément d'éléments, il y a une carte qui est quand même relativement impressionnante. Et pourtant, les mecs, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Ils sont pas plus intelligents qu'un autre, je pense pas. Mais c'est visuellement, tu te dis, mais c'est dingue. Pourquoi personne n'arrive à faire comme eux? Ou personne. C'est dingue. Parce que, alors, on va partir, on va essayer quand même de rester dans le sujet à un moment. Parce que là, tu t'écartes énormément du sujet. Allez, désolé. Mais. Rockstar, ils sont en avance sur leur temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu peur de sortir un jeu qui faisait 65 gigas. Ouais, mais maintenant, 65 gigas, c'est désuet. Eh ben, c'est énorme, 65 gigas. C'est énorme. C'est. Maintenant, ils te sortent des jeux qui font 80 gigas qui sont. Excuse-moi, qui sont pas fantastiques. Hein. Bah, cite-moi un jeu qui fait 80 gigas. Halo Master Chief Collection. Oui, mais c'est un ensemble de jeux, la Master Chief Collection. C'est pas un seul jeu. Attends, regardez. La Master Chief Collection, c'est Halo 1, Halo 2, Halo 3 et Halo 4. Remasterisé en HD. Donc si tu veux, si tu coupes en 4, mettons que chaque jeu fasse la même taille, tu coupes en 4, t'en as pour 20 gigas par jeu. Donc on est loin des 65 gigas de GTA V. 55 gigas, s'il vous plaît. 65. Sur PC, c'est 65. Sur console, c'est 55. Sur PC, c'est 65 gigas. Donc c'est pour te dire, il y a très peu de... Il y a même aucun jeu que je connais qui dépasse les 50. Assassin's Creed Syndicate, le tout dernier, fait 40 gigas. 49, moi j'ai. Ah, moi j'ai 40. Console. 49 sur console, et Unity faisait 58. Voilà, Unity, il tournait comme une merde. Oui, c'est ça le plus triste, d'ailleurs. C'est Unity, il était absolument pas optimisé. Bref, on va repartir sur Watch Dogs, parce que ça fait 20 minutes, on n'a pas parlé. Donc, l'histoire, pour commencer, vous jouez Aiden Pierce, que moi j'ai appelé Faux Bobby. Tu l'as appelé comment ? Faux Bobby. Faux Bobby. Bah oui, parce que tous les personnages que je joue s'appellent Bobby. Et lui, c'est un faux Bobby, parce qu'il a un nom qu'on pouvait pas changer. C'était Aiden Pierce, obligé. Non, moi, je l'ai appelé Faux Bobby. Du coup, le jeu commence quand Faux Bobby est en train de tabasser un mec. C'est dans la rêve. Alors, enfin, le début particulier, c'est que ça commence avec... ça commence, il pirate un centre... Ça foire et un truc qui se passe pas bien. Oui, ça c'est la cinématique d'intro. Voilà. Ça se passe pas bien. Et voilà. Donc au début, tu sais pas trop ce qui se passe, et après, le jeu, on va dire que la partie jeu commence au moment où effectivement, il est en train de tatasser un mec dans les vestiaires d'un stade. C'est ça. Et il lui demande des informations sur un mec qui apparemment lui. A mis un contrat sur sa tête et en plus lui aurait porté préjudice. Mais je crois qu'il précise pas trop comment. On sait que si, voilà. On le voit dans la vidéo du début. On le voit juste après. C'est après. Tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Que le fait qu'il y ait un contrat sur sa tête, c'est clair. Mais je crois que il précise pas ce qui s'est vraiment passé. C'est ça. Et c'est juste après puisque. On rencontre notre meilleur ami du jeu, Jordi. Le plus insupportable de tout le jeu. Hein. Je pense que là-dessus, on devrait... Ah oui, l'asiatique, là. Jordi, l'asiatique, le hitman, est insupportable. Ah ouais, non, mais lui, c'est un guignol dans le truc. Hein. C'est... Moi, je l'ai trouvé insupportable. Il m'énervait. Chaque fois qu'il parlait, j'étais là, ferme ta gueule. J'avais envie de le claquer. Et... Bah, il a une espèce d'auto-satisfaisance, le mec. C'est, ouais. Je sais pas ce qu'ils ont foutu ça, de ce il est personnage. très. Bah, je pense que le personnage colle très bien à ce qu'il doit être. Mais moi, c'est le genre de personnage que j'aime pas. Et puis, il a pas une super importance dans le jeu, puisque finalement, il va pas. Quand même. Ouais, mais il revient pas plus que ça. Hein. On le voit quelques fois, il a une importance plus tard. Je pense que tu vois de quoi je parle. Ah oui, oui, si, oui. Il a une importance plus tard. Mais. Il est surtout là en fait pour, j'ai l'impression, pour initier un peu le joueur aux bases du monde. Parce que c'est un fixeur. Et pour oui. les gens qui n'ont pas joué par exemple à Shadowrun et à des univers cyberpunk comme ça, ils ne savent pas ce que c'est qu'un fixeur. C'est une sorte de nettoyeur quoi. Voilà, alors dans Shadowrun, c'est des mecs qui te donnent des missions. Et c'est des mecs qui peuvent te vendre des objets, des trucs comme ça. Mais c'est plus ou moins le même principe du gars qui va t'aider dans ta quête. Parce que lui, moi ce que j'ai compris, c'est que lui, généralement, il passe derrière pour faire penser, enfin pour brouiller les pistes. C'est ça, c'est un tueur à gages, donc un hitman, hein, c'est ça que ça veut dire hitman, c'est-à-dire tueur à gages. C'est un peu un homme à tout faire tant que tu le payes. Il fait ce c'est que ça. Tu lui demandes tant que tu le payes. Et donc on rencontre ce mec qui nous dit alors au fait je t'ai pas dit mais j'ai appelé les flics because lol. Et maintenant tu dois te barrer du stade mais en évitant les flics because lol. Oui c'est ça, j'ai appelé les flics pour parce qu'en fait en gros il te dit que c'est pour te couvrir. Voilà. C'est pour faire passer le tabassage pour une. Enfin, c'est pour que l'autre se fasse arrêter, je crois, et que Non, c'est pour qu'il retrouve les corps parce qu'ils ont tué des. Il a tué des mafieux pour arriver là. Oui, et que ça passe pour une guerre de gang. Et que ça passe pour une guerre de gang, puisque le mec qui tabasse Maurice, Jordi va l'emmener avec lui. Jordi va l'emmener oui. avec lui, et pareil, il aura une ouais. importance plus tard dans le scénario. Finalement, notre héros faux Bobby rentre chez lui et. Il est en train de. Il se couche. Et on D'ailleurs, comprend ce qui se passe. Par rapport au personnage principal, petite parenthèse. La VF qui n'est pas dégueulasse puisque c'est le doubleur de Keanu Reeves. Alors moi, j'y joue en VO. Personnellement, j'y joue en VOST. Puisque la puissance du PC, tu peux mettre audio anglais sous titre français. Là, tu fais. Oui, je n'entendrai pas ce doublage VF pourri de merde. Non, franchement, il a un doublage VF pas dégueulasse. Ouais, là par contre, je t'avouerai que je sais pas. Moi, j'ai vraiment joué que en VO, donc. Non, la VF passe bien, puisque. Alors, je sais pas, c'est fait exprès. Enfin, ça fait très clin d'œil Matrix, en fait. Du coup, puisque le personnage que tu incarnes est doublé par. C'est la voix française de Keanu Reeves, quoi. Donc, ça aide à rentrer dans le jeu. Voilà. Et donc, ouais, on apprend la vérité. On apprend la vérité, le contrat qui a été mis sur sa tête était pour le tuer. Oui. Sauf que bah ça a pas vraiment marché puisqu'il est toujours là. Et il va chercher à savoir qui c'est qui cherche à le. Par contre, ce qui le pousse à faire ce qu'il fait, c'est que suite au contrat qui a été mis sur sa tête, on a tenté de le tuer dans sa voiture et que malheureusement dans sa voiture il n'était pas seul. Il y avait sa sœur et sa petite nièce. Non, il y avait sa nièce et son neveu. Il n'y avait pas sa sœur aussi ? Non. Ah, je pensais qu'il y avait. Non, je pensais que c'était la sœur et la nièce. Non, c'est. Alors, le neveu, on le voit très rapidement dans des vidéos. Dans la toute première, on le voit pas. Et si tu veux, on revoit l'accident plusieurs fois dans le jeu. Dont un moment où il se retrouve devant le. Alors, moi, je sais pas si c'était dans le jeu ou. Si je suis tombé sur un. C'est pas un easter egg, mais tu sais, il y a des trucs un peu cachés. Oui. Des hotspots wifi, des endroits importants. Et il y en avait un, c'était l'entrée d'un tunnel, et ça m'a fait hotspot wifi. Et quand j'ai cliqué sur la touche, j'ai revu la vidéo, ça m'a remontré la vidéo du truc qui voulait dire en gros, c'est ici que ça s'est passé. Ouais, je pense que ça c'est. Ah, c'est pas tellement l'easter egg, c'est. Ouais, c'est. Autre chose encore, je sais pas. Voilà, c'est pas vraiment un easter egg, c'est particulier. Et en gros, sa nièce est morte. En gros, du gros, sa nièce est morte. Et justement, dans la vidéo que moi j'ai vue, qui est dans les dernière partie de Watch Dogs sur YouTube, on voit son neveu qui est juste derrière, en fait. Oui. Et on comprend aussi pourquoi il a tatane le mec au début, c'est que c'est lui qui a tiré la balle. Voilà, c'est lui qui a tiré la balle et qui l'a envoyé la bagnole voler dans le tunnel. Et du coup, l'histoire va partir de là, puisque on va tenter de continuer à trouver qui a mis le contrat sur notre tête. C'est vraiment le but du jeu, c'est de savoir qui a mis le contrat sur notre tête. Le jeu en soi, moi je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai même trouvé très bon. Honnêtement, la trame scénaristique est bien. La trame scénaristique, je dirais pas qu'elle est bien, elle est classique. Elle est classique, mais c'est un bon classique, quoi. C'est un bon classique. Il y a des retournements de situation qui sont un peu trop prévisibles, pour être honnête. Ouais. Il y a des trucs qui sont mal expliqués, j'ai trouvé. Il y a des trucs qui sont un peu mal expliqués, qui arrivent, c'est comme un peu comme un cheveu sur la soupe. Où tu fais tu sais, genre, t'as pas le choix, si tu fais ok. C'est vrai qu'il y a des fois tu te retrouves confronté à certains personnages et tu sais pas trop pourquoi, en fait. C'est ça, moi je pense principalement à Lucky Queen. Le black? Non, le vieux. Oui, lui par contre j'ai pas compris. Il est présenté au début du jeu, mais la façon dont il est présenté, tu te dis pas ah c'est un personnage important, je vais avoir affaire à lui. C'est, tu le vois, tu fais oui bon bah ok, c'est un connard et point barre. Et plus tard dans le jeu tu le revois et tu fais mais quoi? Mais je crois que tu as affaire à lui justement parce qu'il détient les informations sur le poseur de contrat. Non. C'est pas ça? Non, la toute première occurrence que tu as de lui, tu dois faire une mission. Il y a Jordi qui t'appelle en te disant j'ai un gars qui est blessé. Si tu veux que je continue à t'aider, il faut que tu l'escortes à travers la ville. Oui. Et tu sais, ces escortes criminelles. Il y a beaucoup de parties du jeu comme ça au début du jeu qui sont juste des espèces de tutoriels. Des activités. Des tutoriels pour des activités secondaires. Oui, c'est ça, c'est en gros, c'est toutes des activités que tu peux faire dans le jeu, quoi, en parallèle. Voilà. Par exemple, tu as un moment où tu te fais envahir par un hacker. Oui. Et tu dois le retrouver et le tuer. Enfin, ou l'arrêter. Et moi, j'avais pas compris au début. Enfin, je me disais, ouais, bah voilà, c'est un truc comme ça, ça arrive. Et en fait, non, c'est pour dire que si tu joues en ligne, eh ben, y a des gens qui peuvent t'envahir dans ton monde et essayer de te hacker. Et moi, j'étais là et je me suis dit, mais à quoi ça sert? J'en ai rien à foutre. Je veux pas le savoir. Il y a les contrats de fixeurs, ils présentent des escortes criminelles comme ça. Et c'est justement à la fin de la première escorte criminelle que tu fais, celle qui est obligatoire dans le scénario, que t'es en train de... Tu ramènes le mec et tu te retrouves face à Lucky Queen. Et le mec sort de la voiture, il dit oui, je suis désolé, monsieur Queen, machin, ceci, cela. Il parle un peu. Et Lucky Queen fait genre oui, non, mais t'en fais pas, tout va bien se passer, je t'en veux pas. Et il fait signe à ses hommes. Et puis il y a un mec qui sort un flingue, qui flingue l'autre. Et puis Lucky Queen s'avance vers toi. Toi, tu te planques un peu dans la bagnole, ce que je peux comprendre. Quand tu vois un mec comme ça, t'es pas rassuré. Et il fait. Tiens, c'est mon tour. Voilà, c'est ça. Il dit t'en fais pas, on se reverra. Et il se barre. Et moi, j'ai pas pensé que ce serait un personnage important. Je me disais, bah, Osef, quoi. Osef du mec, enfin. Oui, parce que pour nous, c'était un personnage de tuto, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un personnage random, quoi. C'est ok, il fait partie. Il a le Chicago South Club, qui est une organisation de malfrats dans Chicago. Qu'est-ce que j'en ai à battre, quoi. Moi, c'est pas eux que je veux. Je veux retrouver qui a tué ma nièce. Et après, il prend de l'importance. Non, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était un peu la dualité que tu peux avoir qui m'a un peu gêné par la suite. C'est-à-dire qu'au début, le jeu te propose une énorme dualité entre vas-y en loud et vas-y en stealth. C'est-à-dire que dans le jeu, bon, il y a le système dont on n'a pas encore parlé, qui est le CityOS. Oui. CityOS, qui est un des éléments les plus importants du jeu, vu que c'est le réseau qui permet de hacker, qui est un espèce de réseau interne à la ville de Chicago, et qui permet de... Enfin, c'est ce dont on sert pour hacker les gens, en fait. On rentre dans le CTOS, on en prend un peu le contrôle. CTOS qui a été créé par la société Bloom. Oui. Donc, qui est une... Qui est une... Seconde parenthèse, hein, moi je crois que je vais faire toutes les parenthèses du jeu, qui est une filière parallèle d'Abstergo. Voilà, ça je voulais y venir un peu plus tard. Donc les gens qui savent déjà, bah, ils savent, les autres sont un peu en mode hey, quoi, qu'est-ce qu'ils racontent. Et donc ouais, il y a plusieurs fois dans la ville, moi j'ai trouvé ça très cool, c'est que le jeu te laisse pas faire totalement ce que tu veux. C'est-à-dire que la zone du début, le CTOS est activé de base. Et si tu veux aller dans les zones de suite, il faut activer le CTOS dans ces zones-là. Faut faire sauter le pare-feu Bloom, en fait. Faut juste péter le CTOS, quoi. Clairement. C'est ça. Et tu fais sauter le pare-feu, t'as accès à toutes les données, quoi. Et comment voilà, une des premières missions du jeu, c'est justement d'aller débloquer le CTOS dans la zone où tu te trouves. Et c'est super bien fait parce que le jeu te dit c'est super bien fait, oui et non, parce que le jeu te dit va acheter des armes. On t'oblige à aller acheter des armes pour la suite du scénario. Donc toi tu fais ton shopping et quand t'arrives là-bas, en fait, on te le dit pas, mais il y a deux façons de faire les missions. Tu peux y aller en loud, c'est-à-dire tu peux y aller avec ton flingue et pan partout, comme tu peux y aller en stealth, ce que moi j'ai tenté de faire le plus possible, c'est-à-dire rester aux abords des trucs CTOS. Et en fait il faut toujours arriver à un serveur qui te permet de récupérer le... qui te permet de hacker dedans, et une fois que t'as hacké dedans, c'est bon, tu peux partir. Si t'y vas en loud, donc t'es obligé de tuer tous les gardes, et en plus, une fois que tous les gardes sont morts, que t'as hacké dans le truc, il faut que tu échappes à la police. Est très chiant. Et si tu vas en stealth, eh ben, tu joues à travers les caméras, tu passes à travers les caméras que portent certains gardes, etc. Et une fois que c'est fini, eh ben, tu as juste à sortir d'une zone prédéfinie. Et c'est fini. Il n'y a personne qui te chasse, c'est très calme. Et moi, j'imaginais plus le jeu comme ça. J'imaginais mal le mec qui arrive en mode qui tue tout le monde. Et qui fait genre, je suis un hacker. Non, t'es un connard, quoi. Oui, t'es pas trop. Oui, c'est pas ce qu'on imagine d'un hacker. Voilà, c'est ça. C'est pas ce qu'on imagine d'un hacker. Donc moi, je l'ai joué très RP, très. Je suis un hacker. Je reste hacker. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a plein de trucs. Hein. On peut pirater des gens. C'est-à-dire récupérer des informations sur les gens en eux-mêmes. Tu peux récupérer des informations bancaires, des musiques. Des voitures, des conversations. Oui. Ou alors mener à des trucs intéressants comme des crimes. Des crimes ou alors des planques de thunes ou d'armes, des trucs comme ça, quoi. Et ouais, t'as ça, t'as aussi, tu peux, t'as, en fait, t'as plein de trucs à récupérer, en fait, t'as plein de, je sais pas comment, je sais plus c'est quoi le terme pour ça, mais t'as plein de, ouais, de... Bah, c'est juste très complet, en fait, en soi. Oui, c'est ça, en fait, tu peux récupérer des enregistrements téléphoniques, de la police, des gangsters, pour en apprendre un peu plus, en fait, sur la méta, en apprendre un peu plus sur la méta-histoire, quoi. C'est ça. Ou et approfondir le scénario en lui-même. Voilà, enfin, approfondir le scénario, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment de moment où tu... Bah, t'as des trucs que tu récupères qui sont les enregistrements des mecs que tu traques. T'as les enregistrements du mec qui a tué, qui est responsable de la mort de ta nièce. Oui, les enregistrements audio interceptés, mais qui sont pas, tu vois, t'es pas obligé de les écouter et tu peux pas... Non, c'est difficile de les louper. C'est un plus, quoi. C'est vraiment un plus. Je réagis à ce qu'il y a d'autre. Si, oui, non, je vais pas en parler tout de suite. Je vais pas en parler tout de suite. J'allais parler de pourquoi Savonette Simulator, mais on en parlera tout de suite. On en parlera plus tard. Et ouais, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'au début du jeu, tu as vraiment cette dualité loud versus stealth. Et après, il y a des missions où ils t'obligent à le faire d'une certaine manière. Il y a des missions où t'es obligé d'y aller en loud, il y a des missions où t'es obligé d'y aller en stealth. Oui. Et si tu rates la façon, par exemple, en stealth, si tu te fais repérer, bah tu recommences. En loud, si tu... Oui, t'as pas vraiment le choix puisque tu meurs. Et moi, ça m'a un peu gêné, ça. Ça m'a un peu gêné parce que j'aurais aimé qu'ils gardent ça jusqu'à la fin, en fait, tu vois, que... Jusqu'à la fin du jeu, t'as le choix de le faire en loud ou en stealth. Moi, ça me plaisait vraiment, quoi. Je me disais vraiment, waouh, c'est vraiment super bien pensé. Et Au début, c'est ce qui était prévu. Au début, c'est ce qui était prévu. Et je pense que par manque de temps et par un peu trop d'ambition, ils ont dû faire certains trucs. Après, ça sert l'histoire. Ça sert l'histoire, mais quand tu vois que. C'était possible de faire autrement, mais tu le sens des fois que voilà, ils ont placé le truc parce qu'il fallait que ça avance, parce qu'il fallait que voilà, ils avaient plus le temps. Voilà, c'est exactement. Fallait combler un trou, quoi. Voilà, moi je lis des trucs. C'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est donc le système de profiler qui permet d'avoir donc les informations des gens, de savoir lesquels pirater, lesquels ont OSEF. Et grâce au profiler, on a accès à tout un tas d'infos sur les gens. Oui. Dont leur nom, leur âge, leur casier judiciaire et certains trucs qui peuvent être assez what the fuck. Sur les profils qu'on peut déceler ? Sur les profils qu'on peut déceler, il y a des trucs totalement débiles. Tu vas avoir... il y a des gardes de sécurité dans certains endroits, a eu des accusations pédophiles... a été relaxé pour meurtre, ce genre de truc. Et puis il y a des gens dans la rue, tu les regardes, et puis adepte des sites BDSM, aime la scatophilie, ce genre de truc. Et tu fais quoi? Ouais, non, il y a des trucs, des fois, c'est marrant, quoi. Les gars, what the fuck, quoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très marrant. Tu as même des personnages cachés. Il y a même des personnages cachés, effectivement. Et... Je sais pas si tu as eu l'occasion de tomber dessus, mais c'est rigolo ça aussi. Non, moi je suis pas tombé dessus, tu nous en parleras un tout petit peu plus tard. Moi, ce qui m'a un tout petit peu fait rire, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut contrôler tout un tas de trucs. Il y a un arbre de compétences, il fait un peu RPG le jeu. Il y a tout un gros arbre de compétences qui se répartit en, je crois, 5 catégories. Piratage, création d'objets. Ouais, conduite. Conduite, combat, et le dernier, je sais plus ce que c'est. C'est peut-être juste 4, je me plante peut-être. Je sais plus si c'est 4 ou 5. Je sais qu'il y a craft, hack, combat, conduite. Il me semblait qu'il y en avait un autre, mais ouais. Il me semblait qu'il y en avait un autre aussi, mais je suis incapable de m'en souvenir là, comme ça, donc bon, c'est pas grave. Chaque truc permet de rajouter un peu des capacités à notre personnage. Une des plus importantes étant le boost. Le boost, c'est complètement pété. C'est complètement craqué. C'est le truc, tu sais, qui permet de ralentir le temps. Oui. Que moi, j'ai pas utilisé des masses dans le jeu, sauf dans sauf dans les zones de shoot, en fait. Dans les zones de shoot, je m'en servais à mort parce que, en plus de ralentir le temps et donc de te permettre de mieux viser et de tirer plus facilement, ça t'affiche aussi tous les ennemis à l'endroit où tu te trouves. Et donc, moi, je m'en servais principalement contre les snipers. C'est pratique, ça. Parce que tu lances ton boost et tu vois le sniper que tu vois pas en fait dans le jeu, et là, tu le vois qui est brillant et donc tu peux lui tirer dessus. Moi, je trouvais ça super cool. C'est plus ou moins ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre à dire avant de couper, enfin avant de passer à la deuxième partie où on va un peu plus spoiler et débattre. Moi, j'ai vraiment trouvé le jeu beau. J'ai joué en 720p parce qu'il n'y avait pas de résolution. Non, au début j'ai joué en 720p, après je suis parti en 600 par 800. Ce qui veut dire une résolution de merde, hein, selon d'accord. Le jeu était quand même magnifique. Avec les détails au minimum, le jeu était magnifique, j'ai trouvé. Je sais pas pour toi. Mais il est beau, il y a certains trucs qui sont franchement beaux. Hein. Moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des trucs qui étaient splendides. Beaucoup d'effets qui sont magnifiques. Après voilà, il y a eu un downgrade graphique évident. Il y a des compétences de notoriété aussi. De notoriété? Oui, en fonction de ta notoriété. Oui, en fonction de ta notoriété, si t'es justicier ou tueur, oui. Tu as des compétences qui se déverrouillent. Et puis ça change l'histoire un peu aussi. Légèrement. Ça change légèrement l'histoire, assez pour être remarquable. Assez pour pouvoir te dire, oui, bon, bah voilà, je le vois. Je vois pas d'autre chose à rajouter sur les bases du jeu. Je sais pas si toi, tu vois d'autres choses. Bah écoute, effectivement, il y a la notoriété qui change si les habitants sont avec toi ou pas, si on parle de toi en bien ou en mal dans les médias. On parle toujours de toi en mal dans les médias. C'est juste Oui, mais des fois, t'entends les médias qui font oui, de plus en plus d'appels nous viennent pour signaler la présence du hacker Eden Pierce, machin. Ça, c'est si t'as une mauvaise notoriété. Par contre, si t'as une bonne, tu l'entends donc pas être toi comme étant le pirate Eden Pierce, mais qui semble apprécier la population, qui ne semble pas vouloir aider les forces de police, machin. Enfin, toi, t'as des discours qui changent. Oui. Ça, oui. Du coup, je pense qu'on va faire une petite pause musique. Oui. Et qu'après, on va revenir et on va spoiler comme des porcs. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire ça, ça me paraît bien. On va faire ça, donc on se retrouve d'ici quelques petites minutes pour la suite de cette critique de Watch Dogs. À tout de suite, les gens. Et tout de suite. Ah, la musique, c'est bien la musique. Moi, j'aime la musique. C'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi bon. Donc, Watch Dogs, on va spoiler. Donc, si vous avez pas fait le jeu, il y a 19 vidéos à regarder sur YouTube. C'est vraiment si vous avez pas fait le jeu. Il y en a eu pour plus ou moins une vingtaine d'heures de jeu quand même. Hein. Pour un jeu, moi, j'ai eu beaucoup de retours qui disaient que le jeu était court. J'ai pas trouvé quoi. Enfin, très honnêtement, j'ai eu plus d'heures de jeu sur Watch Dogs que sur BioShock et BioShock Infinite réunis. Bon, en même temps, BioShock et BioShock Infinite, je les avais déjà fait. Donc, oui, je sais pas si ça compte. C'est un peu de la triche, quoi. Mais j'ai eu autant d'heures de jeu sur ces deux jeux-là, quoi. J'ai eu plus d'heures de jeu que sur un Shovel Knight, sur un Pokémon, sur Deadpool, sur... les seuls jeux qui sont plus longs, c'est les Dark Souls. J'ai mis plus de temps à faire les Dark Souls. The Witcher est plus long aussi. Ah oui, The Witcher, oui, par contre. The Witcher est beaucoup plus long, mais à part ça, non, vraiment, j'ai pas eu de... Enfin, tu vois, j'ai pas eu de gros moments où je me disais, voilà, quoi. Enfin... Le jeu était bien pour moi. Savonnet Simulator. Pourquoi Savonnet Simulator? Je pense savoir pourquoi. Ah, vas-y, dis-moi pourquoi. Il y a un pilotage dégueulasse, c'est ça? Ah, le pilotage est immonde. La conduite dans ce jeu est immonde. C'est encore pire que la conduite arcade des Saints Row. Oui. Je suis totalement d'accord, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. En fait, je pense que c'est le... Et d'ailleurs, tant qu'on y est, puisque j'ai des amis qui sont venus il n'y a pas longtemps chez moi, des amis qui regardaient les streams de Watch Dogs, et quand cet ami est venu chez moi, on se faisait chier, donc j'ai sorti GTA V sur console. Puisque je l'ai sur Xbox 360. Et la conduite est passée nickel. quand la conduite de GTA est meilleure que celle de Watch Dogs, c'est qu'il y a un problème. Quand la conduite de GTA est meilleure que ta conduite à toi, c'est qu'il y a un problème. De quel GTA? N'importe lequel. Parce que tu prends GTA 4, c'est pas mal aussi. Hein. C'était plutôt Brick Simulator. GTA 4 était Brick Simulator. Enfin, Brick au savon. Mais là, le truc, c'est vraiment... Alors, moi, j'ai joué au clavier. Parce que jouer à la manette à Watch Dogs, je pouvais pas. J'ai joué au clavier et... J'ai vraiment eu sur les contrôles voiture, ça a été pensé pour de la manette. Ah oui, clairement. Mais même à la manette, hein, ça passe difficilement. Hein. Bah, à la manette, moi, j'ai pas eu de mal. À la manette, j'avais pas de soucis. J'arrivais à faire mes virages. Hein. Alors qu'au clavier, la moindre... Bon, tu vois comment on joue au clavier, ZQSD pour se déplacer. C'est oui. La même chose. C'est la même chose à la conduite. Et alors, spoiler, messieurs les développeurs de jeux vidéo. Quand vous faites de la conduite en jeu, ne faites pas une conduite au clavier. La conduite au clavier, c'est de la merde. Faites une conduite à la souris. Ça peut paraître très con, mais la conduite à la souris, tu peux gérer tes virages à l'angle près. C'est vrai. Alors que la conduite au clavier, si tu appuies un peu trop sur ta touche de direction droite ou gauche, ta voiture part en couille. C'est pas bien. C'est le mal. La conduite au clavier, c'est pas bien. C'est le mal, c'est mauvais. C'est zéro. C'est caca. Exactement, c'est caca tout mou en plus. C'est caca tout mou la conduite au clavier. Ne faites jamais ça. Si vous voulez faire de la conduite, ne recommencez plus jamais. Non mais c'est ça. Mettez une touche clavier pour accélérer et le reste vous gérez à la souris. C'est ce qu'a fait GTA 5. GTA 5 sur PC, la conduite est à la souris. Et la conduite de GTA 5 sur PC est god tier. Je ne rigole pas, c'est dans le top tier de ce que j'ai pu faire en conduite. C'est dire. C'est pour vous dire. Et pourtant, je suis pas un gros joueur de GTA ou même de jeux entre guillemets réalistes. Mais la conduite est meilleure dans GTA 5. La conduite à la souris, c'est bien. La conduite au clavier, c'est de la merde. C'est nul. Mal. C'est le mal, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Enfin bref. Du coup, moi, le jeu, je l'ai renommé Savonnette Simulator. D'ailleurs, pour les gens, si vous regardez, je te dis ça à toi, Puck, parce que tu vas aimer. Mais donc, il y a un moment où, on va dire, il y a un pont qui tourne. Tu vois de quoi je parle? Oui. Le fameux pont coulissant. Oui, pour arriver à la presqu'île. Pour arriver à la presqu'île. Moi, il y a eu un passage qui a été très drôle pour moi. Je me pissais dessus de rire parce que c'était ridicule. On parlait de la conduite. La conduite en moto est meilleure que la conduite en cuisine. En voiture. Oui. C'est parce que je vois des trucs de cuisine devant moi. La conduite en moto est meilleure que la conduite en voiture. Et du coup, moi, je jouais principalement à la moto, sauf quand il fallait une voiture. Ou quand je trouvais pas de moto aussi et que j'avais envie d'aller vite, parce qu'en stream tu peux pas te permettre de ah bah attendez, je vais passer 45 minutes à déambuler dans les rues pour trouver une moto. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Tu chopes la première bagnole qui passe et si tu croises une moto, tu la prends. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, je vais récupérer la clé qui me permet d'accéder à cette presqu'île en tournant le pont, d'accord? Oui. Et donc tu te souviens très bien qu'il y a, t'as vraiment le bord du pont et puis ça s'arrête et ça tombe à l'eau. C'est ça. Et moi j'arrive en moto à fond sur la voie ferrée, parce que c'est une voie ferrée, et je pile pour m'arrêter et la moto s'arrête. Et elle s'arrête au bord du pont. Je sens la queue de revenir. Et là je vois la roue avant qui passe juste un peu après et je me dis... Non, c'est bon, ça passe. Et là, d'un coup, il y a la moto qui fait... Et qui tombe dans l'eau. J'ai jamais autant ri. Parce que vraiment, genre, j'arrive, la moto s'arrête et puis... Plouf. Et voilà, c'est fini. C'était ridicule. D'ailleurs, en parlant de ça, le moteur graphique et le moteur physique du jeu c'est de la bite absolue. Ah oui, non, mais ça, c'est... Je crois qu'un des passages les plus drôles aussi, c'est dans les dernières VOD, quand on est avec T-Dog, où on est poursuivi par des fixeurs. Et donc, quand on est en... Il y a des courses en voiture, hein, bien entendu, il y a des courses poursuites. Et comme on disait tout à l'heure, il y a un contrôle sur l'environnement. Vous pouvez contrôler les feux, vous pouvez contrôler les ponts, vous pouvez contrôler les bornes, vous pouvez contrôler les canalisations sous la ville. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, moi j'avais pris... moi je prends toujours... Enfin, le premier arbre de compétences que je monte, c'est le hacking. Forcément, je joue hacking, je prends le hacking. Et donc, il est vachement utile celui-là. C'est ça. Et donc, j'avais pris les bornes. Et donc, quand on est en course poursuite, s'il y a un moyen de neutraliser un véhicule, le jeu affiche pas un QTE, mais il affiche la touche de hacking qui te permet de neutraliser la voiture. Et donc, à un moment, quasi coude à coude avec une bagnole, on est en train d'avancer. Là, je vois le truc neutralisé, j'appuie sur ma touche, boum, les bornes qui montent, la bagnole qui s'écrase dans les bornes, et ma bagnole aussi. Ça, quand ça arrive, c'est moche. Bah, c'est pas très grave, parce que tu vois, tu rebaisses les bornes et puis tu continues, quoi. Le truc, c'est que je vois que les mecs, la voiture est pas totalement neutralisée. Elle s'est juste écrasée dans les bornes. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Je vais écraser la bagnole dans les bornes. Je vais reculer et foncer dedans. Logique, absolument intenable. On est d'accord. D'accord. Je recule. Je prends un tout petit peu d'espace. Je fonce dans la bagnole. Et donc, leur voiture s'est retrouvée coincée entre les bornes et ma voiture. Et donc, dans ce genre de jeu, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui se passe, mon Puck, à ton avis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, ta voiture a explosé ? Non. Leur bagnole est partie dans les airs. Mais vraiment, elle a fait un bond énorme et elle a atterri sur le toit d'une maison en face. Tellement de logique là derrière tout ça. Et là, j'ai fait... Quoi ? J'étais bloqué, je suis resté un moment, genre, mais... Quoi ? Qu'est-ce que le fuck ? Quel est le fuck ? C'est débile. Le physique est complètement craqué, quoi. Ah ben c'est... Oui, ça fait partie des choses qu'ils ont complètement aussi jetées aux oubliettes, hein. Ah oui, qu'ils ont complètement raté, ça, on est d'accord. Hein. Bah, de toute façon, je pense que ça va avec la conduite, hein. C'est tiré sur le moteur physique du jeu. C'est pour ça que la conduite est aussi mauvaise. C'est parce que le moteur physique est mauvais. Je pense qu'on est d'accord. Oui. Et attendez, je réfléchis de quoi on peut parler. Bah, on va parler de l'histoire. Parce que l'histoire, elle est classique, mais elle est bien. Oui, elle est bien, bien moutée. Voilà. Donc, après avoir appris ce qui s'est passé, on traque un peu les responsables et on est contacté par notre sœur Nikki, donc la mère de notre nièce, qui nous dit, au fait, c'est l'anniversaire de Jackson, ton neveu, ce serait sympa que tu viennes. De Michael ? Il n'est pas mort ? Exactement, Michael Jackson n'est pas mort. Donc on va le voir. À ce moment-là, notre sœur reçoit un appel un peu menaçant qui lui dit fais attention, vérifie bien ton verrou et tout ça. Et donc Aiden, qu'est-ce qu'il fait ? Il pète un câble et il décide d'aller chasser le mec qui a fait ça. Je vais tous leur casser la gueule. Et bon, pour chasser en voiture, c'est la première fois que ça arrive. Voilà, bref. Et donc, je suis en train de regarder. Voilà. Quelques temps après, on a un appel. On a un appel d'un ancien ami à nous, Damien. Pourquoi Damien ? Pourquoi ? Pourquoi Damien ? Damien qui était un peu notre complice quand on a fait le hacking, bah celui qui a mal tourné. Oui. Qu'ils ont appelé le hacking du Merlot, de l'hôtel Merlot. Donc on en reparlera plus tard. Ah oui, ça y est, je me souviens, c'est bon. Voilà, Damien qui nous fait ouais, c'est bien, mais alors en fait, toi, ils ont tué ta nièce, mais moi, ils m'ont cassé la jambe et j'en retrouverai jamais l'usage. C'est bien, ça. J'en prends le coup. Bah, oui, mais moi, ma nièce, je vais pas la retrouver non plus, donc ta mère. Voilà, c'est ça. Et donc, Damien dit à Aiden, aide-moi à retrouver le hacker qui a fait ça, qu'on puisse lui péter la gueule. Aide-moi à retrouver ma jambe. Et Aiden lui dit, va te faire foutre, quoi. Oui, moi, j'ai plus rien à voir avec tout ça. Débrouille-toi. Va te faire prendre. Et à ce moment-là, on apprend tout simplement que notre sœur a été kidnappée par Damien. C'est dire, moi je kiffe. Moi je kiffe ce genre. Est-ce que le mec vient te voir pour que tu l'aides, tu dis non et kidnappe ta sœur, quoi. Il kidnappe ta sœur pour que tu l'aides. Donc à partir de là, on est contacté par un contact qu'on avait déjà à DeadSec. Bad Boy 17. Et alors moi j'aime tellement cette scène, puisque Bad Boy nous dit, rejoins-moi dans le métro de la ville. Et donc on y va, et il y a cette cinématique qui est tellement drôle, où Aiden est en train de marcher dans le métro. Et puis il cherche un peu et il voit pas Bad Boy. Et donc il approche un mec, il le regarde, il fait Bad Boy. Bad Boy 70. Et le mec le regarde avec un air flippé, genre mais t'es qui toi? Mais on se connaît pas là. Qu'est-ce mais c'est ça, mais c'est le gars qui l'approche en lui disant Bad Boy. Et là tu fais non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, ça c'est. Non. Ça, malheureusement, c'est rédhibitoire, ça ne passe pas. Et du coup, on retrouve Bad Boy. Bad Boy qui est une femme. Qui est en fait Bad Girl. Qui est en fait Bad Girl, puisque c'est Clara Lyle, une tatoueuse, qui est membre du groupe DeadSec. DeadSec, c'est un peu un collectif de ce qu'ils appellent les activistes. C'est la résistance. C'est les Anonymous, quoi. C'est ça. C'est ni plus ni moins qu'Anonymous. De toute façon, il y a plein de références à Anonymous, hein, la façon dont DeadSec parle, la façon dont ils se mettent en scène, tout ça, c'est Anonymous. Et donc, en gros, on va continuer. L'histoire en soi est très classique. On va trouver le hacker qui était lui aussi en train d'hacker au Merlot. Mais du coup, on va essayer d'avoir parce que en fait, on a une vidéo qui est cryptée, qui est très bizarre. Et donc, excusez-moi. On va chercher, on retrouve le mec, on essaye de le pirater, sauf que la vidéo est toujours pas bonne. Du coup, on fait appel au papa du CTOS pour qu'il nous aide à décrypter le truc. Et tout ça, c'est quand même. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps en soi. Et en gros, on apprend, donc on finit par récupérer la vidéo qui est toujours cryptée, donc T-Bone bosse dessus. Et pendant que T-Bone bosse dessus, on continue à. On se fait hacker par un autre mec qui s'appelle Default, qui est vraiment un passage du jeu que j'ai trouvé très moyen. On a besoin de faire avancer l'histoire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se fait hacker par un mec qui s'appelle Default, alors on le retrouve, on le tue, et puis une fois qu'on... même pas une fois qu'on l'a tué, mais... arrive ce moment, une fois qu'il nous hack, où il balance un enregistrement audio, qui est donc Clara, en train de... En train de dire, en gros, voilà, leur nom, c'est Damien et Aiden Pierce. Et là, tu fais... Attends, oula. C'est elle qui nous a vendu et qui est responsable de la mort de notre nièce. Là, t'as envie de dire, oula, salope. Et du coup, voilà, bon, c'est une histoire très classique. On continue à faire à chercher qui nous a vendu. Et c'est là qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Lucky Queen. Le mec qui nous a cherché, qui a mis le contrat sur notre tête, c'est Lucky Queen. Donc c'est normal qu'il sache, enfin qu'il nous ait dit qu'on allait se revoir, c'est sans surprise. Non, mais en fait, je sais pas, parce que moi j'ai trouvé ça très vraiment un cheveu sur la soupe, vraiment le comment le. Parce qu'on apprend que comment merde que le merlot en fait lui appartenait. Voilà, c'est ça. On apprend que le merlot lui appartient. Oui, il lui appartient. Je sais pas, enfin. Moi, c'est vraiment. C'est vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe, quoi. Pour moi, je pense qu'ils auraient pu trouver autre chose qu'il aurait pu y avoir. Ou alors mettre le personnage, parce que Lucky Queen, on le voit à un moment, on apprend qui fait du trafic d'êtres humains, mais encore une fois, c'est pas un mec, enfin, c'est un méchant, c'est un salaud, mais moi, dans ma tête, je me disais, c'est un salaud comme tant d'autres. C'est horrible à dire, hein, mais je me disais, c'est un salaud comme tant d'autres. Il y en a plein d'autres dans le monde, c'est pas ça qui me... qui était triste. Voilà, c'est ça, quoi. Enfin, le monde est rempli, le monde de Watch Dogs est... Bah, il est rempli de bâtards encore pire que lui. Il est rempli de bâtards et tout. Donc je me disais, bon, bah voilà, quoi, c'est un connard, quoi. Et c'est vraiment sorti cheveux sur la soupe. Il n'y a pas eu... Après la fin... Bon, la fin est très classique. C'est-à-dire que, bon, on finit par récupérer notre sœur. On finit par... par avoir une confrontation avec Damien. Phase de jeu très, très chiante, d'ailleurs. La fin du jeu est ultra chiante. Tu sais, c'est cette partie où Damien contrôle le CityOS. Oui, oh putain, c'est chiant ça. Ça, c'est chiant parce que il y a un système, il y a un double système, il y a un système donc de marqueurs et de navigation GPS dans le jeu. Oui. C'est-à-dire que tes missions principales, tu les vois sur la carte, tu cliques dessus, ça te met un GPS qui te guide directement sur la route pour te dire faut aller là. Parfait. Nickel. Et cette phase-là de jeu, donc on a les petits marqueurs jaunes, justement, oui. Qui sont complètement perturbés. Donc du coup, on est perdu, d'accord. De toute façon, on n'aurait pas eu le temps de faire le troisième. Ils sont complètement perturbés, et moi, j'étais complètement perdu, quoi. En même temps, c'est cohérent avec le fait que, voilà, c'est de l'informatique, quoi. Bah ouais, mais je sais pas, ils auraient pu laisser à partir, en fait, une fois que tu brises le premier truc, tu vois les deux autres qui sont affichés. Donc tu peux quand même les suivre. Le premier, il faut le trouver quasiment à tâtons, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, tu tâtonnes, tu cherches, et puis tu finis par le trouver limite par chance, quoi. Moi, c'est juste parce que je l'avais vu sur la map quelques secondes avant. Donc, je me disais, ouais, alors ça doit être par là. J'ai cherché, puis j'ai fini par le trouver. Et j'étais en mode, yes. Une fois qu'on a cassé son accès au CityOS, on crée un virus. Parce qu'en fait, c'est ça, il prend le contrôle de CityOS pour nous empêcher d'y mettre un virus qui fera un redémarrage système. Et donc, on déclenche un blackout CityOS dans la ville. Et Damien nous appelle en nous disant, voilà, je suis au phare, rejoins-moi. Et il y a une confrontation. Et là, sorti de nulle part, y a Jordi qui arrive en disant, désolé Hayden, mais le contrat sur ta tête est plus lucratif que le contrat que toi tu me fais, donc je vais te tuer. Normal. Et là il y a un QTE et puis c'est la fin. Et voilà. Et il y a une dernière chose. Il y a une dernière chose, c'est que une fois qu'on a fini le truc, Maurice nous appelle en nous disant excuse-moi, mais le boulot c'est le boulot. Jordi. Oui. Justement, Jordi nous appelle en nous disant le boulot c'est le boulot. Si tu veux, j'ai laissé Maurice à cette adresse-là. Et donc la fin du jeu, c'est nous qui arrivons devant Maurice et on a deux choix, soit le tuer, soit le laisser partir. Je sais pas quel choix t'as fait, toi. J'ai dû le laisser partir, moi, comme je suis gentil comme je suis. Ben moi j'ai fait la même. Je l'ai laissé partir. Je me suis dit on a. Enfin moi ça me gênait de tuer des gens dans ce jeu. Honnêtement, ça me gênait vachement de tuer des gens dans ce jeu. Donc quand j'avais la possibilité de ne pas les tuer, je ne les tuais pas. Après bon, il y a des trucs, voilà, il y a des passages où t'es obligé de tuer. Mais si on n'avait pas à les tuer, bah moi je les tuais pas. Je préférais faire autre chose. Du coup, voilà, moi je l'ai laissé partir. Je l'ai laissé partir parce que je trouvais que ça collait plus aussi avec le personnage. Tu vois, c'est pas un tueur. C'est un hacker, c'est pas un tueur. C'est le côté un peu RP, quoi. Voilà, et donc c'est la fin du jeu. Après, ils annoncent un CityOS 2.0. Il y a plein de trucs. Si, t'as aussi l'excuse, la pire excuse, quoi. Pourquoi vouloir tuer un mec? Parce qu'il a trouvé une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a sur cette vidéo? Le maire qui tue une nana. Oui, ça, c'est un peu bidon, ça. J'ai fait, mais what, quoi? Enfin... Je me suis dit, sérieusement, toute l'histoire, c'est à cause de ça? Parce que le maire a tué une femme? Ben ouais, mon gars. Et ouais, non. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Dans le gameplay. L'histoire, bon, un peu moins, parce que, voilà. C'est pas totalement mon truc. Pardon, hein, je tweet en même temps. Vas-y, je t'en prie. Et je réfléchis un peu. Non, moi je trouve que le gameplay était sympa, mais pas assez poussé. Non, moi j'ai trouvé qu'il était très bien. Je trouvais que. C'était pas assez poussé, ça aurait pu faire plus. Je sais pas. Moi c'est ça qui me manquait, c'était le côté, tu vois. Rame dedans. Moi je. Ouais, non, je. Enfin sincèrement. Je trouvais qu'il y avait de l'idée, mais que. Ils étaient. Pour moi, je sais pas. J'avais le sentiment qu'ils étaient pas allés au bout de leur idée, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Mais c'est vrai que des fois c'était perturbant parce que t'avais vraiment le... Ouais, non, tu sentais que, ouais. Qu'ils avaient envie de faire plus et qu'ils s'étaient, je sais pas, ils s'étaient arrêtés à quelque chose, mais tu sais pas quoi. Bah, ça sent vraiment le jeu qui était pas fini, peut-être par manque de temps. Pas le manque de temps, c'est juste que. C'est tout. T'avais l'émergence des nouvelles consoles. Et qu'à mon avis, ils étaient, enfin, il n'y avait pas encore la maîtrise. Ils maîtrisaient pas encore. C'était pas dedans, comme on dit là-bas. Ils étaient pas encore dans le délire. Et à mon avis, je pense qu'il y a aussi le Microsoft et Sony qui ont dû vendre les nouvelles consoles comme étant des monstres et que ça allait être la révolution, que machin et tout. Et du coup, pour moi, ils ont commencé à vouloir faire plus, en programmant peut-être sur une machine puissante, en se disant, bah, de toute façon, ça va suivre, hein, y a pas de problème. Et ça a cafouillé, quoi. Ça a merdé à ce moment-là. Donc, la question est de savoir, est-ce que la faute est exclusive à Ubisoft, ou est-ce qu'il y a aussi une malinformation de la part des de Sony et Microsoft, quoi. Bah, ou peut-être juste, je dirais pas malinformation, mais peut-être qu'ils ont pas juste su aller au bout de leur idée, tu vois. C'est possible aussi, ouais. Ils ont pas su, ils se sont dit on va faire ça, et puis en fait. Qu'est-ce qu'on rajoute, qu'est-ce qu'on retire, qu'est-ce que. Voilà. C'est ça. Ils ont peut-être retiré pas mal de choses qui auraient pu être intéressantes. Hein. En se disant que ça ne passerait pas, mais. En se disant que ça passerait pas, voilà. Et pourtant, bah, il aurait fallu. Il aurait problème, fallu. Des fois, faut en mettre un peu trop plutôt que pas assez. Alors, je dis bien un peu trop, hein. Ouais. Pas, il faut. Mais des fois, faut en rajouter un peu trop plutôt que de se dire, ouais, on va retirer ça et on va se contenter de ça. Parce que des fois, ça passe, mais le strict minimum, la plupart du temps, c'est moyen. Oui, voilà, faut pas laisser juste au strict minimum, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le jeu? Parce que, bah, si, on va avoir le débat. Et moi, je vais t'expliquer, pour moi, mon problème. Enfin, mon problème. Mon problème avec le problème. En soi. Problème avec le problème. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens qui disaient ce jeu c'est de la merde, il est chiant, il est pas intéressant, il est ceci, cela. Et en fait, c'était des gens qui étaient juste, je pense, après je leur en ai pas parlé personnellement parce que ces gens-là m'énervent, mais c'est des gens qui, je pense, étaient plus dégoûtés du downgrade graphique que d'autres choses, tu vois. Ah bah le... Ouais, moi il y a ça qui a joué, mais... Après je me suis dit, bon, en passant, mais je sais pas, il y avait un contenu, il y avait... Tu vois, on parlait justement du fait qu'on s'est... qu'ils auraient peut-être pu faire plus, et il y avait ce plus de faire, outre le visuel, outre le moteur physique, outre tout ce qu'il y avait de pimpant autour, quoi. Tu voyais dans les séquences de gameplay qu'il y avait... que tu vois, il y avait quelque chose de travail, il y avait quelque chose en plus... Même au niveau du système de hack et tout ça, tu voyais, enfin il y a des trucs moi que j'ai vu qui étaient pas, enfin c'était pas forcément flagrant, tu vois, mais que j'ai vu dans les vidéos de gameplay que j'ai pas retrouvé. Ouais. Et je me suis dit merde, pourquoi ils l'ont retiré? Parce que ça c'était sympa. Par exemple le hack des mobiles des civils, il était beaucoup plus poussé au début. Et tu vois, tu pouvais voir beaucoup plus, tu pouvais naviguer dans l'intimité justement des civils et tout ça. Et je me dis, c'est con. Bah après, ça aurait peut-être fait. Ouais, mais moi, tu vois, ça aurait été un plus dans le système de hack, tu vois, ça aurait été vraiment pousser le vice jusqu'au bout, mais tu vois, c'est intéressant. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, il y a quand même un côté vachement. Tu vois, ils ont bien bossé le truc du hack, c'est approfondi. Et ça a été retiré, tu vois. Quand j'ai vu le hack après des civils et autres, j'ai fait, mais j'ai trouvé vachement minimaliste, contrairement à ce qu'on a pu voir, entrevoir dans certaines vidéos. Ouais, mais alors, encore une fois, hein, ce que je dis, c'est que peut-être pour moi, ça a été, tu vois, c'était trop. Ils ont eu l'idée, ils se sont dit, ce serait bien, et puis sur le moment, ils se sont dit, merde. Peut-être que là, c'était trop fort. C'était trop... comment est-ce qu'on peut dire ça en français? Je cherche le mot. Ambitieux. C'était peut-être trop ambitieux. Ils se sont dit, ah, ce serait cool de pouvoir aller dans... Et ils se sont rendus compte que... Peut-être c'était un peu trop, tu vois. Parce ouais, mais c'est dommage, parce que honnêtement, enfin ça... Ouais, ça rajoutait un... il y avait de... voilà, ça rajoutait en charme, je sais pas, moi ça m'a pas dérangé parce que pour moi il y avait un, bah ouais, pour moi le jeu était complet, enfin j'avais pas besoin de rentrer dans l'intimité des gens, de toute façon c'est un truc que j'aurais pas fait Ouais, mais rentrer dans l'intimité des gens, c'était par exemple pour tout ce qui était récupération des données bancaires et tout ça, c'était plus poussé. Ouais, après, c'est pas plus mal. Moi, sincèrement, j'ai pas. Enfin, les données bancaires, tout ça, moi j'aimais bien en récupérer, tu vois, ça me faisait bien marrer. Mais en soi, si pour récupérer de l'argent dont j'avais pas besoin, parce que j'ai quasiment rien payé dans le jeu, Même si j'aurais pu aller acheter des armes, j'aurais pu aller acheter machin, mais je l'ai pas fait. J'aurais pas aimé récupérer de l'argent en faisant genre un mini-jeu, tu vois. Ça m'aurait vite fait chier. Je me serais vite emmerdé, je me serais vite dit, ok, tu veux la jouer comme ça, bah moi je vais pas le faire. Parce que bah, ça m'aurait emmerdé, quoi. Enfin, ouais. je suis pas le genre de mec, je me permets, hein, je suis désolé, je te coupe une dernière fois, mais je suis pas le genre de mec, dans les Witcher par exemple, je sais qu'un des trucs qui est le plus aimé par les joueurs, c'est les jeux de cartes et les jeux de dés. J'ai oublié le nom des jeux, mais tu vois. Oui, je vois. C'est le genre de truc que je n'ai pas fait. Oui, non, mais je te rassure, moi non plus. Hein. Je les ai pas fait et ça m'a pas. J'avais pas envie de les faire, quoi. C'est sympa pour le côté RP, mais après, je trouve que ça rajoute pas. Il y aurait pas eu, voilà, ça aurait pas été non plus un élément manqueur, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, tu vois, ne pas. Enfin, laisser le hacking comme il était. Et en plus, ça me semblait plus logique d'être comme ça, très honnêtement, en y repensant à la manière dont ça se fait. Aiden, c'est un mec qui est très très très doué, qui est extrêmement doué, et donc pour moi ça semble logique qu'il regarde quelqu'un, il se dit tiens, elle a du pognon, clique, c'est bon, j'ai ton pognon. Ouais, c'est, oui, tu vois, dans la psychologie du personnage, ça me semblait logique parce que c'est quand même un mec qui tient tête à des grands hackers en soi. C'est vu comme ça, ouais. Et je veux dire, si le mec il est pas capable de récupérer ton pognon en faisant clic, c'est qu'il est pas si bon que ça. Parce qu'à côté, le mec est capable de se mettre à côté d'un serveur avec son portable, de croiser les bras et toutes les données se téléchargent sur un serveur à l'autre bout du monde parce que ça passe par son portable en relais. Hein. Ça m'aurait pas semblé logique que pour récupérer de l'argent, il faille que tu fasses un mini-jeu. Alors, c'est vrai que vu comme ça, ouais. Tu vois, faut se dire, effectivement, c'est une bonne idée d'avoir un mini-jeu pour récupérer de l'argent. Je suis pas contre. Au contraire, moi, je dis que c'est une très bonne idée. Mais il faut que ça soit logique dans le gameplay, dans le roleplay du personnage. Est-ce que le personnage est comme ça? Et c'est pour ça que moi, les phases de shooting et les grosses courses-poursuites et les moments où tu tues des mecs en les poursuivant en bagnole, ça m'a gonflé. Parce que pour moi, le personnage n'était pas comme ça. Pour moi, c'était pas un tueur. C'était pas. Alors, effectivement, le mec, tu menaces sa famille, ah, il va te coller une patate dans la gueule. Mais il ne tue pas. Pour moi, il tuait pas. Pour moi, dans la logique du personnage, il ne tuait pas. Il te collait une patate, il te remettait aux autorités, tu vois. Il te met un coup de matraque dans la nuque, paf! Mais ouais, non, je comprends l'optique. C'est. Après, la psychologie du personnage était quand même vachement bien respectée dans la plupart du jeu, c'était bien foutu. Après, bon, bah voilà, c'était pas parfait. Et voilà, et pour moi, en fait, ce que je disais, hein, pour en revenir à ce qu'on disait. Moi, j'ai pas eu le gameplay de base, donc je ne sais pas à quoi ça ressemblait, mais pour moi, le jeu qu'on a actuellement est très complet. Bon, il manque quelques petites choses que j'aimerais voir, que j'aurais aimé voir, qui ne sont pas là, qu'on verra peut-être dans le 2, parce que Watch Dogs 2 a été annoncé. Oui, c'est vrai. Je le savais pas jusqu'à aujourd'hui. Et... Bon, de toute façon, vu la fin du 1, c'était logique. Hein. J'ai plus trop les souvenirs de la fin du 1. Alors la fin, c'est une fois que c'est avant que tu libères Maurice, t'as tout un tas de spots, de pubs et d'émissions de télé de le maire s'est suicidé suite à la diffusion de la vidéo où il tue une femme, la ville s'apprête à laisser moins Bloom contrôler le CityOS, ce genre de trucs. Et ça finit avec une publicité Bloom pour CityOS 2.0. Qui couvrirait tous les États-Unis et le monde entier. Et moi, quand j'ai vu ça en stream, j'ai fait ouais, ça annonce une suite, quoi. C'est obligé, surtout vu, bon, le jeu a quand même eu un sacré succès, faut être très honnête. Non, il a quand même bien fonctionné, hein. Le jeu a quand même bien fonctionné malgré que tout le monde crachait dessus. Et apparemment, il leur faudrait une année buffer pour bosser sur le prochain Assassin's Creed. De ce que j'ai compris, ils veulent prendre un an de plus pour bosser sur Assassin's Creed et au lieu de laisser une année vide, sortir Watch Dogs 2. Moi, je dis pas non. Cette année en soi n'est pas vide puisqu'il y a le film Assassin's Creed. Oui, il y a le film, mais bon. Qui va. Je pense pas qu'Ubisoft, tu vois, ne va rien toucher. Enfin, ça m'étonnerait qu'il. Voilà. Mec, on n'est pas con. Mec, le film Prince of Persia. Oui, bon, d'accord. Voilà. Le film Prince of Persia était un bon film et pas un bon Prince of Persia. Et pourtant, c'était Ubisoft. Oui, bon. Vu comme ça, oui. Voilà, tu vois, c'est faux. Ouais, je vois ce genre de choses et je fais. Et puis, de toute façon, voilà, ouais, Assassin's Creed. Voilà. So, qu'est-ce que voilà. Voilivalou. Voilivalou. Je réfléchis. Je réfléchis. Parce que j'avais des choses à dire. Si, voilà. Moi, j'ai pas eu, en fait, j'ai pas vu les vidéos de gameplay ou de d'annonce ou de trucs comme ça de l'E3 qui avait été faite donc pré-downgrade. Ce qui a fait que moi, quand j'ai vu le jeu, j'ai fait ouais, bah ok. D'accord. J'y ai joué un peu au début. J'ai essayé d'y jouer quand il est sorti, mais ça ramait trop sur mon PC. Parce que j'avais pas une bonne carte graphique, j'avais pas un bon PC à l'époque. Donc du coup. Du coup, t'as attendu un petit peu avant d'y jouer. Du coup, j'ai attendu un peu avant d'y jouer. Maintenant que j'ai joué, je me dis. C'est. Voilà. C'était très comment. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme jeu. Je l'ai trouvé très beau pour son époque et son style graphique. Et j'ai pas eu de déception en fait. J'ai pas eu de déception comme certains ont pu avoir. Ouais, bah oui, du coup, ce que toi tu t'attendais à rien de particulier. Ouais, voilà, c'est ça, je m'attendais à rien de particulier. Au contraire, j'ai même été agréablement surpris. Et là, t'es en train de te dire, merde, qu'est-ce qu'il a surpris. On en parlait un peu tout à l'heure. Bloom est une filiale de. Abstergo. Voilà. Abstergo qui sont. Les Templiers. Voilà, donc les méchants dans Assassin's Creed. C'est ça. Et en fait, moi je m'attendais à ce que ce soit un Assassin's Creed-like. Et tu connais mon amour pour Assassin's Creed. Oui. D'ailleurs, fun fact, hein, je vous le disais la semaine dernière, mais j'ai commencé à jouer à Syndicate. J'aime pas. C'est pas possible. Je ne peux pas. C'est. Enfin, je suis désolé, un jeu où tu tiens 3 boutons pour escalader plein de trucs, pour moi, c'est pas un jeu. Enfin, je veux dire, il y a un passage, je devais monter sur une grande grue, fallait que je monte par un truc. J'ai tenu le bouton courir, le bouton avancer, le bouton sauter. Et mon personnage est monté tout en haut toute seule. J'ai littéralement rien touché d'autre. J'ai fait ça à une main. L'autre main était dans mon slip. J'avais une main dans le slip, l'autre main pour avancer et c'était tout. C'est. Moi je trouve ça hallucinant quoi. Enfin bref. Et justement j'ai été surpris parce que je m'attendais à un Assassin's Creed like et c'est pas ce que j'ai eu. Il y a eu quelques références à Assassin's Creed, clairement. D'ailleurs, tu parlais de personnages cachés. C'était genre le PDG de Abstergo, je crois. Déjà, t'as lui que tu dois abattre, je crois. Je sais plus. Je sais qu'il doit mourir Et t'as un parallèle du coup dans Assassin's Creed, puisqu'il disparaît, personne ne sait ce qu'il est devenu. Et il y a un mail, je crois que même dans Assassin's Creed, t'interceptes un mail où justement il dit qu'il doit faire un tour du côté de la ville où ça se passe, les Chicago. Chicago, ouais. Il doit aller à Chicago parce que pour affaires personnelles, tout ça, donc voilà. Tu peux croiser, après ça n'a rien à voir avec l'univers Assassin's Creed, mais tu peux croiser Bruce Wayne. D'accord. Donc quand tu vois l'état de son compte en banque, tu vois des chiffres astronomiques et c'est sur la description, c'est milliardaire de jour, un truc comme ça. Et tu as le mec de Breaking Bad. Walter White. Oui, tu croises Walter White où c'est marqué, il y a un truc avec le cancer. Enfin, t'as un truc avec le cancer, profession chimiste, enfin. Et je sais, ouais, t'as ces deux personnages, enfin, t'as ces trois personnages-là, du coup, voilà, que tu peux, tu as l'occasion de croiser. Et après, j'ai pas souvenir d'autres persos particuliers. D'accord. Là, tout de suite, j'ai pas de. Mais je sais qu'il y en a, oui, il y en a plusieurs. Tu peux en croiser plusieurs. Tu peux aussi croiser une star du R&B américain aussi, je crois, une carrière du genre. Mais non, du coup, ouais, non, ça t'a ses côtés. Moi, ce qui m'a plu, pour résumer, moi, ce qui m'a plu dans ce jeu-là, c'est le côté hack. Et le scénario, le scénario. Voilà, même si je trouvais que voilà, j'étais déçu. C'est quand même. Voilà, moi, je trouve que c'était quand même vachement sympa, enfin, vachement bien intégré. Et comme on disait, le scénario qui, malgré des aspects un peu, tu regardes, tu fais ouais, bon bah ok, pourquoi pas, hein, allons-y gaiement. C'est un grand classique des scénarios de thriller et tout ça, mais ça a été bien, je trouve bien monté. Voilà, c'est pas le film de vengeance à la Steven Seagal quoi. Donc vraiment ouais, non c'était voilà bien écrit, quand même bien ficelé, voilà. Après moi j'ai des déceptions qui sont autres, mais avec du recul et d'un point de vue général et objectif, c'est ça. Ouais. Objectivement c'est un bon titre. Ah on est d'accord, hein. Moi je l'ai vraiment trouvé j'ai vraiment kiffé quoi. Non puis même le j'ai eu l'occasion d'essayer du coup le multi. Ouais. Et honnêtement, même le multi est sympa. Bah moi je l'ai pas essayé. J'ai désinstallé le jeu déjà, je crois, parce que j'ai besoin de place sur mon disque dur. Il me semble avoir déjà désinstallé. Ouais, je l'ai déjà désinstallé. Le peu du multi que j'ai fait, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas un joueur multi. Ah, moi clairement, c'est la même chose là-dessus. Je te rejoins. Je suis pas du tout multi. Mais bon, je me dis, voilà, c'est quand t'as l'occasion, tu dis, bon, histoire de pas mourir con, t'essayes quand même, hein, voilà. Voilà, ouais. Et, non, j'ai, ah, dans le multi, tout n'est pas bon. Mais les côtés comme ça, infiltration, tu sais, tu dois hacker le mec, ou essayer de tuer le mec parce que lui, il tente de te hacker. Je trouvais ça pas mal fait. Oui, c'est vraiment bien. C'est ça, je suis totalement d'accord. C'était voilà, moi je trouvais ça honnêtement voilà, c'était un 1 contre 1 classique, mais ouais, c'était assez prenant, enfin tu prenais vite au jeu du truc quoi. Après c'est, j'ai envie de dire, c'est la sensibilité des personnes. Moi personnellement, il m'a pas touché. Ça m'a pas touché, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Après, ce qui peut être fun, ce qui peut être fun, c'est d'essayer de enfin, il faudrait une option pour pouvoir hacker tes potes, pas juste des gens random dans la rue, mais tu vois un peu genre du matchmaking, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pour moi ça, ce serait bien. Mais je crois que tu peux hacker tes potes. Hein. Ben je sais pas. Il me semble que si t'as des potes, tu peux lancer un hack sur tes potes. Il me semble. Si je dis pas de conneries. Moi j'ai pas d'amis, donc je peux pas te dire, mais. Non, il me semble que tu peux quand même sélectionner les personnes. Hein. Mais toujours, je te dis, je suis dans le. Voilà. Dans le peut-être, je ne sais pas. Voilà. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'il n'y a oui. pas forcément besoin de parler de plus de choses, vu qu'on a plus ou moins tout dit. Du coup, toi, ton avis global sur Watch Dogs? Alors, mon avis global, bon jeu, bon titre, qui j'espère à l'avenir servira d'électrochoc à Ubisoft. Ouais, tu penses? Ouais, j'espère que le 2 sera encore mieux. Voilà. Je pense que ce serait dur. Moi, le seul truc que j'espère, c'est que dans le 2, on jouera pas Aiden Pierce. Très honnêtement. Je vois pas qui on pourrait jouer d'autre. Bah, quelqu'un d'autre, un autre mec. Parce que honnêtement, le risque, c'est qu'ils nous pondent le 2 et qu'ils nous mettent dans la peau de la meuf, tu vois. Et qu'on joue son histoire. C'est difficile. C'est ça. Et où... Oui, non, mais ce serait très difficile de se mettre dans la peau de Clara. Vu qu'elle meurt dans le 1. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils nous mettent dans sa peau, mais c'est une préquelle. Ce que j'ai peur, c'est que le 2 soit une préquelle. Non, je pense pas qu'ils feront ça. Vu comment c'était annoncé... Mais après, c'est vrai que le A2, je vois pas trop ce qu'on pourrait foutre avec Aiden Pierce. Moi, honnêtement, Il n'y a pas vraiment de... Qu'est-ce que tu pourrais faire? Il revient et puis il y a des méchants hackers qui prennent le contrôle de la ville et... Non, enfin... Ce qui était intéressant avec le personnage, c'est justement il avait quelque chose qu'il avait perdu et qu'il motivait, quoi. Ou alors tu joues Aiden Pierce, mais là, tu essayes de faire couler Bloom. Tu te rends compte... Oui, ça peut être intéressant. Bon, on sent que ça tombe dans Bloom, Abstergo, les Templiers, les machins, tu vois. Ça serait un peu con, mais... Tu joues Aiden Pierce, mais cette fois-ci, tu essayes de... Tu reviens pour anéantir Bloom, quoi. C'est ça. Ça pourrait être très, très fun. Moi, je rejoins ton avis, tu vois. J'ai pas grand-chose à rajouter, à part peut-être revoyer certains contrôles. J'attends oui. peut-être de voir un peu la conduite, mais ce qu'ils vont rajouter dans le 2 en termes de gameplay. Est-ce qu'ils vont rajouter des choses? Est-ce qu'ils vont en enlever? Est-ce qu'ils vont en améliorer? Moi, j'attends un peu de voir. Techniquement, oui, ils ne peuvent qu'améliorer. Parce que Ubisoft, quand tu regardes les premiers Assassin's Creed, c'est-à-dire les 3-4 premiers, ça a été des améliorations tout du long. Je prends Assassin's Creed parce que c'est une grosse licence. Hein. Oui, c'est une de leurs grosses licences. Moi, j'aurais dit plus Rayman, mais... Mais pour le... Comment dire, le gameplay. Oui, bah même, justement, Rayman. Bon, Rayman, si tu veux. Parce que, pour moi, Assassin's Creed, il n'y a pas eu grand changement de gameplay. Il y a eu des éléments quand même nouveaux qui ont été rajoutés. Tu regardes entre le premier et Brotherhood Révélation, il y a eu quand même des trucs d'améliorer, de rajouter. Donc je me dis, le 2, ça peut être que ça. S'ils veulent commencer à ce que Watch Dogs devienne une grosse licence, ça donnerait, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une connerie avec eux. Bah, sinon, ils veulent que ça devienne une vraie grosse licence. Donc, c'est à ce que tu fais passer, c'est que là, on risque d'avoir des belles améliorations et des beaux rajouts pour le 2. Mais si nous pondons un 3, un 4, un 5, honnêtement, tu vas voir qu'au niveau du 4 et du 5, il n'y aura plus rien de neuf. Ah bah non, au bout d'un moment, tu peux plus rien mettre de neuf. Après, est-ce que c'est grave? C'est grave si ça part en troll lol, quoi. Assassin's Creed, c'est parti en UPI, donc... Ouais, mais derrière, il y a toujours des gens comme ça. Moi, je vais reprendre une citation, un proverbe américain qu'utilise beaucoup Gerard The Completionist. Quand il parle des suites, il dit « If it's not broken, you don't have to fix it ». C'est-à-dire, si ce n'est pas cassé, tu n'as pas à le réparer. Et autant, moi, j'aime pas Assassin's Creed parce que le type de jeu me plaît pas. J'arrive vraiment pas à ça. Autant, il n'y a pas besoin de le changer parce que ça colle parfaitement à ce qu'ils veulent en faire, tu vois. Et au bout d'un moment, si tu as trouvé la recette qui fait que, tu n'as pas besoin de la changer. Pokémon, depuis les premiers, il y a des trucs qui n'ont pas changé. Oui, c'est vrai que Pokémon, t'as l'impression que c'est toujours le... C'est toujours du tour par tour, t'as toujours les mêmes stats, attaque, défense spéciale, vitesse, même si attaque spéciale et défense spéciale ont été changées depuis, puisque avant c'était juste en spécial, t'avais le spécial qui était la stat d'attaque et de défense, et qu'ils ont splitté en attaque spéciale, défense spéciale. Ah, tu me dirais même le cheminement, t'as pas l'air d'avoir changé. Même le cheminement d'un Pokémon, bon, si dans les derniers ça a pas mal changé, Mais en soi, c'est toujours la même chose. Mais derrière, est-ce que Microsoft a à se plaindre ? Je veux dire, les premiers Pokémon sont très bien vendus. Nintendo. Oui, Nintendo, pardon, j'ai dit Microsoft. Oui. Je me plante. Nintendo a pas à se plaindre parce que les premiers Pokémon se sont pas mal vendus. C'était pas un gros hit non plus. Ça a pas été le jeu qui s'est vendu le plus au monde. Ça s'est bien vendu. Et maintenant, c'est une référence. Et maintenant, c'est une référence. Il y a des magasins spécialement dédiés à Pokémon. Pokémon a je ne sais combien, il y a une vingtaine de films Pokémon qui sont sortis. Sans compter les séries épisodiques. Sans compter les séries, sans compter les mangas, sans compter les comics, sans compter les goodies. C'est devenu une franchise énorme au point que des adultes de 30-40 ans aujourd'hui, je joue encore à Pokémon. Moi, j'ai commencé Pokémon, j'avais 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23, j'y joue encore. Ah non, c'est vrai. C'est que, au final, si t'as quelque chose, si ça marche, t'as pas besoin de le changer. Et c'est Watch vrai. Dogs, c'est vu ça. Comme ça, ouais. Tu vois, pour moi, par exemple, le hacking, j'aimerais bien qu'il ne le change pas dans le 2. Peut-être changer un peu l'interface graphique, changer peut-être 2-3 trucs, mais le principe de base du hacking de tu appuies sur une touche et t'adaptes, c'est bon. Pour moi, ça marche très bien parce que ça colle à l'univers, ça colle au truc. En soi, t'as pas besoin de le changer pour réussir à faire quelque chose qui soit crédible. Et c'est pour moi, c'est très bon. Ouais, non, oui. Io sono d'accordo. Io sono d'accordo avec vous, messieurs. Et voilà, et sur ce, on va s'arrêter parce qu'on prend vraiment trop de temps. Donc, on fait plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Et la semaine prochaine, grosse émission. Ah, ben, de ouf. Grosse émission qui risque de durer longtemps. Moi, je vous conseillerais juste d'aller sur Facebook et de... Enfin, sur Facebook, sur YouTube et de regarder certaines des vidéos. Parce que c'est du jeu récent. C'est du jeu qui tabasse. Et ça va être... Et c'est du gros jeu que beaucoup de gens aiment. Voilà, bon, on l'enregistrera pas maintenant. On l'enregistrera la prochaine fois. On s'arrange avec Puck. Mais on sait très bien de quoi on va parler. Et ça risque d'être fun. Ça va être du lourd. Voilà. Donc moi sur ce je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de follow le Mixcloud pour recevoir un mail quand on postera les podcasts en ligne. Ou de venir le lundi à 21h sur Splash Wave Radio, hein, bien entendu. Oui. Puisque c'est vrai qu'on est toujours diffusé là-bas. Merde. Ouais, des bisous, baba les Yota. Et puis on vous donne rendez-vous lundi prochain à 21h pour la suite de YOLO Records. Yeah. Voilà, et en attendant... Soyez sages, faites de beaux rêves. Voilà, et restez déterminés. Des bisous, les gens. Ah ouais, bye bye. Bye.